Notre provocation, c'est le son. Relaxe FM. Relaxe FM. Relaxe FM. La radio qui vous fait découvrir les talents de demain. Climax FM 100.8. Climax FM. Mesdames et messieurs, attention. Attention. Voici l'événement de l'année. Super. Écoutez attentivement. Sortez les cotillons, les serpentins. Attention, préparez-vous. Voici l'événement de l'année. 6 5 4 3 2 1 FM. Te souhaite une bonne année. Climax FM. Climax FM. Climax FM. Climax FM. Climax FM. Bonjour, voici l'éphéméride pour ce 12 novembre. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Diego et Christian. Bon anniversaire à plusieurs stars. Patrick Sabatier, né en 1951. L'acteur Ryan Gosling, né en 1980. Et enfin, bon anniversaire à l'actrice Anne Hathaway, née en 1982. Voici le numéro 1 du jour. One more time, I'm gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. One more time, I'm gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. Le 12 novembre 2001, c'est un événement, c'est la sortie du nouveau single de Daft Punk, One More Time. Le titre rentre directement numéro 1 des ventes le 12 novembre et restera 23 semaines dans le top 50. On termine avec l'un des événements de ce 12 novembre, on est en 1984, c'est la sortie du deuxième album de Madonna, Like a Virgin, le 12 novembre 1984. Il se vendra à plus de 21 millions d'exemplaires dans le monde. Bonne journée et à demain. Ah, tout à fait, bonne journée et à demain, si Dieu le veut, comme il vient de le dire, nous fêtons aujourd'hui le temps de vous dire tout ça. Mais nous parcourons aujourd'hui le 316e jour de l'année, encore 49 jours avant le 31 décembre, toujours dans cette 46e semaine. Aujourd'hui, nous fêtons les Christians. Dans une grosse pensée pour mon ami Christian qui nous a récemment quittés. C'est vrai que les Christians sont tout à la fois intelligents, sociables, énergiques et généreux. Ces qualités font d'eux des êtres de charmante compagnie. Donc la contrepartie de leur allant, leur confiance, qu'ils ont tendance à accorder trop activement et qui les mène parfois à l'imprudence. Donc, sur un plan sentimental, leur optimisme naturel est souvent contrarié. On salue ces et celles qui sont nés un 12 novembre. Mais oui, comme il vient de le dire, il est né en 1951, monsieur Patrick Sabatier, animateur Radio TV. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam. Également, salue la mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés un 12 novembre. Ce fut à la une en 2008. Un étudiant de 26 ans est mortellement poignardé à Grenoble par un homme de 56 ans en fugue de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Geneviève. Sainte-Égrève, pas Sainte-Geneviève, hein. Et grève, voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit, hein? Bon Dieu. En 1954, création d'Air Inter, la première compagnie aérienne française de vol intérieur, voit le jour à l'initiative d'un groupe de transporteurs et de banquiers de secteur privé. Air Inter rejoindra le capital d'Air France en 1958 et son premier vol s'effectuera le 16 mars 1958 entre Paris et Strasbourg. Donc, on continue de monter. En 1937, inauguration de l'aéroport du Bourget. En présence du président de la République, Albert Lebrun. Vraiment, c'est Albert Lebrun aussi. Le ministre de l'Air, Pierre Cotte, inaugure l'aéroport international du Bourget. Et là, donc, fin en 1774. Le retour des parlementaires par le lit de justice du 12 novembre 1974. Louis XVI rétablit les parlements. Cette décision lui vaudra la difficulté de mener à bien plusieurs de ses réformes et déstabilisera ses pouvoirs. Voilà. 10h24 sur Climax, et bien quand salut tout le monde qui s'y fait sa boucle là. Nous sommes du côté de Vieux-Fort, rez-de-chaussée de l'OMCS, 24h sur 24, 7 jours sur 7. L'unique fréquence 100.8. Le numéro de téléphone 05 90 92 08 36. La suite de la musique, c'est avec Monsieur Tisséles. Avant mal parler moins. Tous les tubes d'hier à aujourd'hui sur une seule radio. Climax FM 100.8. Climax FM 100.8. Notre provocation, c'est le son. Climax FM. Climax FM. Climax FM. Radio qui vous fait découvrir les talents de demain. Climax FM 100.8. Bonne année, bonne année les amis, bonne année les ennemis, bonne année musiciens, bonne année tout le monde, entre nous, rien pas changé. Bonne année fanatique, bonne année les amis, bonne année les ennemis, bonne année musiciens, bonne année tout le monde, entre nous, rien pas changé. Même si ou derrière femme moins, bonne année. Même si ou jure maman moins, bonne année. Même si ou volé pour la moins, bonne année. Même si ou son mauvais voisin, bonne année. Même si ou son mauvais voisin, bonne année. Même si ou son mal pété, bonne année. Même si ou pas qu'avant prédit, même si vous êtes en galop, bonne année. Même si vous sont obsédé. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Retrouvez la messe du dimanche en direct depuis l'église de Vieux-Fort à 8h. Et nous avons raison de demander des choses à Dieu. Demandez, vous recevrez. Mais si tu vas voir Jésus, il t'a guéri, tu as bonne conscience et en plus ça marche mieux. La messe, c'est le dimanche à 8h en direct depuis l'église de Vieux-Fort. La commune de Vieux-Fort vous invite à sa fête patronale, tous engagés pour réussir du 2 au 13 août. Dimanche 11 août, 19h30, prestation de l'artiste Kenny. 20h, échange de quadrilles présenté par les associations, les amis du Vieux Fort Loli et les Bijoucas de Vieux Habitants. 21h, prestation musicale d'Estelle B en solo. 21h30, plateau d'artistes sous la direction de Frédéric Caracas avec Drex, La Rose, Pétail Show, Mehdi Custos, Christian Nara, Dédé Saint-Prix, TNS, Richard Bioman et Jessie Belval. La fête patronale de Vieux Fort, la pointe d'avance, tous engagés pour réussir du 2 au 13 août.